إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عزيز، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قرينة للكتاب في كتاب الله عز وجل، كما أن الزكاة المفروضة قرينة للصلاة في كتاب الله. قال الله تعالى في مقام الامتنان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال جل وعلا في مقام الامتنان على أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال جل في علاه في مقام الامتنان على عباده المؤمنين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وجاء في مسند الإمام أحمد عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مقام ذكر هذه النعمة العظيمة: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ثم اعلموا أيها المسلمون أنه أجمع علماء الإسلام المتقدمون منهم والمتأخرون على أن السنة النبوية حجة في الدين ودليل من أدلة الأحكام الشرعية تثبت بها الأحكام العملية والعلمية، وهي أي السنة تفسر القرآن وتقيد مطلقه وتفصل مجمله وتخصص عمومه، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, a cité la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux côtés du livre dans de nombreux versets. De la même façon qu'Allah Azza wa Jal a cité la zakat accompagnée de la prière dans de nombreux versets du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, pour montrer la faveur qu'il a accordée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: et Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce d'Allah sur toi est immense. Et Allah Azza wa Jal a dit, en parlant de ce bienfait dont il a comblé les mères des croyants, radiyallahu anhun, lorsqu'il dit Azza wa Jal, selon le sens: et gardez dans vos mémoires ce qui dans vos foyers est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Les versets d'Allah, à savoir le Coran, et la sagesse, à savoir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Et Allah Azza wa Jal a dit, pour montrer ses bienfaits envers ses serviteurs croyants, il dit Azza wa Jal selon le sens: Allah a certainement fait faveur aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un prophète faisant partie d'eux, qui leur récite ses versets et les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Ici, le livre est le Coran, et la sagesse est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le musnad de l'imam Ahmad, Selon le compagnon Al-Miqdam ibn Ma'di Karib radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour montrer cette faveur qu'Allah azza wa jalla a accordée aux croyants, il dit alayhi salatu wa salam, quant à moi, il m'a été donné le Coran, il m'a été donné le livre et une chose similaire avec lui. Et cette chose similaire est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants de l'islam, les anciens et les contemporains sont unanimes sur le fait que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve en religion et que l'on se base sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mettre et appliquer des jugements, que ce soit des jugements concrets ou que ce soit des sciences que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient expliquer le Coran. La sunna vient restreindre les jugements absolus du Coran. La sunna vient préciser des généralités qui sont présentes dans le Coran, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, et nous avons révélé sur toi, et nous avons descendu sur toi le rappel, afin que tu explicites aux gens ce qui a été descendu pour eux. أيها المسلمون والسنة النبوية واجب على كل مسلم تعظيمها ومعرفة منزلتها ومكانتها وأن يعرف أنها وحي من الله كما أن القرآن الكريم وحي من الله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته بلاغ كلام الله كما قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ وقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم اعلموا أيها المسلمون أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي باتباع هديه ولزوم سنته والتمسك بأحاديثه ولزوم غرزه عليه الصلاة والسلام وأن ذلك كله من طاعة الله سبحانه وتعالى قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ولقد تكاثرت الأدلة في كتاب الله مبينة وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم ما جاء به عليه الصلاة والسلام وأن ذلك من طاعة الله جل وعلا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا والرد إلى الله أي الرد إلى كتابه والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ويقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا ثم اعلموا أيها المسلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من أقوام ألهتهم الدنيا وغرهم الشبع فصاروا لا يرفعون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رأسا ولا يقيمون لها وزنا ولا يلقون لها بالا ففي المسند عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه أيها المسلمون لنعظم نبينا صلى الله عليه وسلم ولنعظم سنته عليه الصلاة والسلام وعند سماعنا لأحاديثه لا يكون سماعنا لها كسماع أحاديث أحد الناس، فإنها أحاديث معظمة لها شأنها، فإنها وحي من الله وتنزيل منه جل وعلا، فإنه عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله وطاعته من طاعة الله جل وعلا. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le musulman se doit d'immensifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de connaître son immense valeur, de savoir que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une révélation de la part d'Allah, comme le Coran est une révélation de la part d'Allah, et que le prophète alayhi salatu wassalam ne fait que transmettre la parole de celui qui l'a envoyé, subhanah. Il dit azza wa jal, et il n'incombe au prophète que de transmettre. Et il dit subhanahu wa ta'ala son le sens, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ainsi, le fait d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en suivant sa voie, en s'accrochant à sa sunna sallallahu alayhi wa sallam, cela revient à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal, celui qui obéit au prophète, alors obéit à Allah. Et il dit alayhi salatu wassalam, comme le rapporte Al-Bukhari et Muslim dans le hadith de Abu Hurayrata radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wassalam a dit, celui qui m'obéit aura obéi à Allah, et celui qui me désobéit aura désobéi à Allah. Et nombreux sont les versets dans le Coran qui viennent montrer l'obligation d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obéissance à Allah. Il dit azza wa jal, selon le sens, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au prophète et à ceux parmi vous qui détiennent le commandement. Et si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Renvoyez-le à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah, et renvoyez-le au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à sa sunna alayhi salatu wa sallam. Et nous dit aussi subhanahu wa ta'ala, selon le sens, et ce que le prophète vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ses commandements, que ne les touche une tentation ou que ne s'abatte sur eux un châtiment douloureux. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre un peuple qui suivra les passions de cette vie d'ici-bas et qui seront rassasiés au point de ne plus donner d'importance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au point de ne plus lui apprêter une quelconque attention. Il dit alayhi salatu wa sallam, comme le rapporte l'imam Ahmed dans son musnad, selon Abu Rafi' radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que je ne vois pas l'un d'entre vous s'appuyer sur son divan auquel parvient un ordre parmi mes commandements, ou une chose que j'ai interdit, puis que cette personne dise, je ne sais pas, nous, ce que nous trouvons dans le livre d'Allah, nous le suivons. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre un peuple qui sera tenté par cette vie d'ici-bas, qui aura tout ce qu'il désire parmi les biens mondains, une personne qui sera tranquillement installée et confortablement installée sur son divan embelli, une personne à qui parviendra des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des interdits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette personne dira, dans le but de ne pas prêter attention à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous n'avons pas connaissance de ses ordres et de ses interdits, et que nous prenons en compte ce qu'il y a uniquement dans le Coran. Autrement dit, que nous ne connaissons pas toutes ces choses, et nous ne prenons pas en compte ces choses qui sont présentes dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre ce genre de peuple, et il a dit alayhi salatu wa sallam au début de ce hadith, Il m'a été accordé le livre et une chose similaire avec lui, à savoir la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À nous, chers musulmans et musulmanes, de donner de l'importance à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'on entend des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous devons y prêter toute notre attention. Et nous ne devons pas écouter les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme nous écoutons les paroles d'une quelconque personne, car ces paroles sont des paroles immenses qui ont leur valeur. Ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à nous, chers musulmans et musulmanes, d'accepter ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se soumettre à elles, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet de la part de son Seigneur, et son obéissance et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam est obéissance à Allah azza wa jalla, le Seigneur des mondes. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أيها المسلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطابته العامة وتوجيهاته العظيمة وفي نصحه لعباد الله يقول كلما خطب الناس عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي حديث العرباض بن سارية وهو في السنن وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فعلينا عباد الله علينا بلزوم سنته عليه الصلاة والسلام واتباع هديه ولزوم صراطه المستقيم ولنحذر البدع بأصنافها والأهواء بألوانها ولنستعين بالله ولنتوكل عليه في طاعته جل وعلا وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولنستعذ به من الأهواء والبدع فإنه من الدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait dans les discours qu'il adressait à l'ensemble de sa communauté, aux directives importantes qu'il donnait à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, il disait alayhi salatu wa salam, avant chaque exhortation, ceci dit, la meilleure des paroles est le livre d'Allah, et la meilleure des voix est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la pire des choses sont les choses innovées, et toute innovation est égarement. Et dans le hadith de l'Ibad ibn Sariya radiyallahu anhu, rapporté dans les sunan, et dans le musnad de l'imam Ahmed, il dit alayhi salatu wa salam, celui qui vivra après vous, celui qui vivra parmi vous après moi verra de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Accrochez-vous-y et mordez-la à pleines dents et prenez garde à toute chose innovée, car toute chose innovée est une innovation et toute innovation est égarement. Nous devons donc, chers musulmans et musulmanes, nous accrocher fermement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre scrupuleusement sa voie manifeste et le chemin droit qu'il nous a tracé alayhi salatu wa sallam, et que l'on prenne garde à toute innovation et à toute passion, et nous devons demander l'aide d'Allah et placer notre confiance en lui, subhanahu wa ta'ala, pour l'obéir et obéir à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons demander protection à Allah contre toute déviance et contre toute innovation. Et parmi les invocations que disait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, je demande ta protection contre les mauvais comportements, contre les mauvaises passions et ambiguïtés, et contre les mauvaises maladies. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.